Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Des actes humains. Des actes volontaires, ou humains. Explication. Puisqu'il est indispensable d'accomplir certains actes pour parvenir à la béatitude, portons notre attention sur les actes humains, afin de distinguer ceux qui conduisent à Dieu de ceux qui en éloignent. Il faut étudier, premièrement, le volontaire et l'involontaire en général, secondement, les actes volontaires qui sont produits immédiatement par la volonté et ceux qui sont commandés par elle aux autres facultés, troisièmement, la moralité de ces mêmes actes. Il y a des actes volontaires ou humains, c'est-à-dire qui procèdent d'un principe interne agissant avec connaissance de la fin. Les actes humains sont accompagnés de cette circonstance que le théologien doit connaître. La volonté, dans ses actes intérieurs, se porte vers une fin et vers des moyens. Par rapport à la fin, elle a pour objet le bien. Elle a un moteur intérieur et un moteur extérieur. Malgré cela, elle n'est pas mue nécessairement, elle est libre. Elle a pour acte interne la jouissance, et l'intention. Par rapport aux moyens qui conduisent à la fin, elle a pour acte l'élection. L'élection est précédée d'une recherche qui est le conseil. Le consentement de la volonté suit le conseil. Enfin, la volonté, faisant usage de ses forces, produit des actes illicites, suscités, et des actes commandés. Quels sont les actes commandés par la volonté? La bonté et la malice des actions humaines se prennent de l'objet, de la fin et des circonstances. Dans les actes intérieurs, la bonté dépend de l'objet présenté par la raison. Si les actes extérieurs sont mauvais en eux-mêmes, la fin ne les justifie pas. La bonté et la malice de nos actes donnent lieu à des conséquences de la plus haute importance, ils sont vertueux ou vicieux, louables ou blâmables, méritoires ou punissables. Question 6. Du volontaire et de l'involontaire dans les actes. Le volontaire existe chez l'homme. Est fait de la violence, de la crainte, de la concupiscence, et de l'ignorance. 1. Le volontaire existe-t-il dans les actes humains? Le volontaire, qui consiste à connaître une fin et à s'y porter par un principe intérieur, existe tout particulièrement dans ceux de nos actes que l'on appelle humains, car, en les accomplissant, nous connaissons la fin de notre opération, et nous nous y portons de nous-mêmes par un mouvement propre de notre volonté. Note. Le volontaire procède d'un principe intérieur, mais ce principe, qui n'est pas nécessairement un principe premier, peut être produit ou mu par un principe extérieur. Dieu, comme on le verra, est premier moteur de la volonté. Sans moi, a-t-il dit, vous ne pouvez rien faire. Fin de la note. 2. Le volontaire existe-t-il dans les animaux? Les animaux ont le volontaire imparfait, puisque, par un principe intérieur, ils se meuvent vers une fin avec une certaine connaissance, mais ils n'ont pas le volontaire parfait, parce que, ne connaissant ni la nature des objets, ni le rapport de leurs actes avec la fin, ils ne délibèrent ni sur la fin, ni sur les moyens. 3. Le volontaire peut-il exister sans un acte? Le volontaire peut exister sans un acte extérieur, lorsque, par exemple, un homme veut ne pas agir, il se conçoit même sans acte intérieur chez celui qui néglige d'accomplir une œuvre. Mais l'inaction, dans ce dernier cas, n'est imputable à la volonté, comme son acte propre, qu'autant qu'elle a pu et dû vouloir accomplir cette œuvre. Note. On n'impute pas le naufrage d'un vaisseau à un pilote qui n'a pas pu tenir le gouvernail, ou qui, au moment de la tempête, n'était pas chargé de le tenir. Fin de la note. 4. Peut-on faire violence à la volonté? Il y a deux sortes d'actes volontaires, les uns, appelés actes illicites, suscités, sont le fait immédiat de la volonté, comme vouloir ou ne pas vouloir, les autres sont simplement commandés par elle, et c'est une autre faculté qui les exécute. Marcher, parler, se mouvoir, voilà des actes que la volonté commande, mais qui sont confiés à la force motrice. Il est indubitable que, dans les actes commandés, la volonté souffre violence, on peut enchaîner les membres du corps pour les empêcher de lui obéir, mais la violence ne saurait atteindre la volonté elle-même. Volontaire et volonté sont deux choses incompatibles, et voici pourquoi, dans le volontaire, la volonté s'incline d'elle-même avec connaissance d'un but. Or, si vous supposez qu'elle est volonté, vous supposez qu'elle ne s'incline pas d'elle-même, dès lors son acte n'est pas volontaire, du moment que le mouvement est contraint, il ne procède pas d'une inclination propre à la volonté. Note. Dieu a le pouvoir de mouvoir la volonté, mais, s'il en disposait par violence, la volonté n'agirait pas volontairement. Fin de la note. 5. La violence cause-t-elle l'involontaire? Il faut nécessairement reconnaître que la violence produit l'involontaire. Certains actes, dit le philosophe, sont involontaires par suite de la violence. Saint Jean Damascène s'est exprimé dans les mêmes termes. La violence étant directement opposée au volontaire, ce qu'elle produit existe contre la volonté. Si elle n'atteint pas la volonté elle-même dans ses actes illicites, comme il a été dit plus haut, elle peut toutefois arrêter les actes commandés, et c'est en cela qu'elle produit l'involontaire. Suivant ce principe que ce qui est contre la volonté n'est pas volontaire. Note. Il faut savoir, toutefois, qu'une chose est volontaire de deux manières, d'abord, dans un sens actif, par exemple, lorsqu'on veut faire une chose, ensuite, dans un sens passif, comme lorsque l'on veut bien supporter un mauvais traitement de la part de quelqu'un. On ne saurait dire, dans cette dernière hypothèse, que l'acte est involontaire, souffrir ainsi une action, c'est y prendre part. Fin de la note. 6. La crainte cause-t-elle l'involontaire? Saint Grégoire de Nice et le philosophe lui-même disent que les actes qui se font sous l'influence de la crainte sont plus volontaires qu'involontaires. Ces sortes d'actes sont, en effet, volontaires en eux-mêmes, et involontaires seulement à quelques égards. Jeter, par exemple, ses marchandises à la mer est une action volontaire au moment de la tempête, vu la crainte du danger. Une telle action est simplement volontaire, puisqu'elle provient du principe intérieur qui caractérise le volontaire, mais, sous d'autres rapports, elle est involontaire, parce qu'en dehors de la réalité présente, elle répugnerait à la volonté. Note. L'acte fait par crainte est plus volontaire que celui qui est le résultat de la violence. Dans l'acte violenté, il y a tout à la fois défaut de consentement et résistance absolue de la volonté, dans l'acte accompli par crainte. La volonté se porte vers cet acte pour écarter un mal imminent. Celui-ci est volontaire, puisqu'il est produit par un principe intérieur et en vue d'une fin. Fin de la note. 7. La concupiscence cause-t-elle l'involontaire? La concupiscence ne cause pas l'involontaire, elle rend, au contraire, une action plus volontaire. Les actes volontaires sont ceux auxquels la volonté se porte. Or, par la concupiscence, la volonté est inclinée à rechercher ce qu'elle désire. Donc la concupiscence a plus d'influence pour rendre les actes volontaires que pour les rendre involontaires. Note. La concupiscence, tout en augmentant le volontaire, peut affaiblir le libre arbitre, comme nous le verrons question 77, 6. 8. L'ignorance cause l'involontaire. L'ignorance qui prive de la connaissance nécessaire à un acte humain cause l'involontaire, mais toute ignorance ne prive pas de cette connaissance. Pour éclairer cette question, distinguons trois espèces d'ignorance, que nous nommerons, l'une concomitante, l'autre conséquente, la troisième antécédente. L'ignorance concomitante est celle qui nous empêche de savoir ce que nous faisons, mais de telle façon toutefois que, quand nous le saurions, nous ne nous abstiendrions pas de notre acte. Celle-là, n'influant en rien sur la volonté, ne cause pas l'involontaire. Un homme qui désire tuer son ennemi, le tue réellement en croyant tirer sur un cerf. Voilà un meurtre qui n'est ni volontaire ni involontaire, car on ne saurait vouloir ou ne pas vouloir ce que l'on ignore. L'ignorance que l'on appelle conséquente, parce qu'elle est la conséquence d'un acte de la volonté, est volontaire de deux manières. D'abord, par un acte positif de la volonté, comme dans celui qui veut ignorer pour avoir une excuse à son péché, ou pour n'y pas renoncer. Selon cette parole, nous ne voulons pas la science de vos voix. Job 21. C'est l'ignorance affectée. Ensuite, lorsque, par passion, par habitude prise, ou par pure négligence, on ne se met pas en peine d'acquérir des connaissances que l'on est tenu d'avoir, et c'est l'ignorance de mauvaise élection. L'ignorance volontaire de l'une de ces manières ne cause pas l'involontaire, à proprement parler, elle le produit seulement, sous quelques rapports, en ce sens que, précédant le mouvement de la volonté, elle fait faire à quelqu'un ce qu'il ne ferait pas, s'il était mieux instruit. L'ignorance qui cause proprement l'involontaire est l'ignorance complètement involontaire en elle-même, et que l'on appelle antécédente, c'est celle d'un homme qui, après avoir pris toutes les précautions convenables, ne sachant pas qu'une personne passe par le chemin, lance une flèche et la tue. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.